Bonjour à tous, nous sommes lundi, nous sommes mardi plutôt, le 4 janvier 2022. Au sommaire, les grognes de la part des demandeurs de passeport qui se plaignent de la lenteur dans l'octroi des documents de voyage à la PAF. Et à la page infrastructure, mauvais état des routes nationales et provinciales, bien que les travaux d'entretien soient bien faits. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois, une personne nommée Prosper Kubgimana de la colline Bouguera, c'est en commune d'Ava de la province Mwaro, a été tuée cette nuit dernière, vers 21h, selon Dominique Akizimana, commissaire provincial à Mwaro. Cet homme a été blessé mortellement par des gens qui veillaient sur des champs quand il était en train de voler les pommes de terre. Il précise que cet homme avait déjà récolté une certaine quantité de pommes de terre et a tenté de résister à ses veilleurs avec une arme blanche. Aloïse Ndenzako, administrateur de la commune d'Ava, demande à la population de sa commune de ne pas se faire justice, mais de saisir les instances habilitées en cas de besoin. Il précise qu'une personne est déjà dans les mains de la police pour interrogatoire. Les élèves qui étudient dans les écoles à régime d'internat en mairie de Bujumbura ont répondu au rappel de faire le dépistage de COVID-19, car beaucoup d'entre eux sont déjà arrivés dans leurs écoles. Les directeurs de ces écoles demandent aux élèves qui ne sont pas encore arrivés de faire le plus possible du fait que les cours du second trimestre sont déjà commencés. Et en province Gitega, dans les écoles à régime d'internat, presque tous les élèves étaient déjà présents, sauf dans quelques écoles. Le test COVID-19 est impératif pour entrer dans l'internat. La distanciation sociale est impossible, selon les responsables de ces établissements, à cause des effectifs des élèves élevés. Fidèle d'Antoine Sabimana. Au lycée Sainte-Thérèse de Mouchacha, presque toutes les élèves internes s'étaient déjà présentées à l'école le matin de ce mardi. Le test COVID-19 négatif devant être présenté à la direction d'internat. C'était la même situation au lycée Notre-Dame de la Sagesse, ex-CND. Au lycée de l'excellence de Moussinzira, c'était la quasi-totalité des élèves qui s'étaient présentés et les activités se déroulaient à la normale, de même qu'à l'école paramédicale de Gitega. Au lycée technique secondaire David et Michael de Kwibuka, seulement 154 élèves étaient présents sur 254 inscrits. Du côté du personnel enseignant, 3 sur 7 étaient au travail. La direction de cette école dit qu'il est le motif avancé par les élèves de même que les enseignants et l'attente du test de COVID-19. La même direction a pris la décision d'exiger le test négatif même aux élèves externes pour empêcher la contamination venant de l'extérieur de l'école. Certains parents aussi demandent que ce soit en ordre de tester tous les élèves, même les externes, afin de diminuer les risques de contamination. Sur toutes les écoles où nous sommes passés, les dispositifs hygiéniques sont installés devant toutes les classes. Par contre, sur le même banc pupitre, les élèves s'asseyent à 2 ou 3. De même, le lit de moins d'un mètre de largeur est partagé par 2 élèves. Les responsables de ces écoles font savoir que, voir l'effectif des élèves, il est impossible de respecter la distanciation pour se protéger contre le COVID-19 dans les écoles à régime d'internat. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Il est 13h01 dans le studio de la radio Isanganilo. Certains demandeurs des passeports se plaignent de la lenteur dans l'octroi des documents de voyage à la PAF. Ils expliquent que passer un long moment dans l'attente de ces documents et demandent aux responsables de la PAF la normalisation de ces procédures. Nicole Nininahazwe. Arrivé à la police de l'air des frontières et des étrangers, PAF en sigle, on constate une grande foule de gens, tel un marché. Certains se trouvant sur des lignes indiennes et d'autres rassemblés dans de petits groupes dans l'attente des documents de voyage. Ceux avec qui nous sommes entretenus ce matin vers 11h, ils affirment avoir passé plus d'un mois dans l'espoir d'obtenir les documents demandés. D'autres, fatigués par les interminables files d'attente, ont perdu espoir car un des agents de la PAF venait de leur dire que ce mardi, on ne travaille pas l'après-midi à la PAF. Toutes ces personnes demandent aux autorités habilitées de délivrer vite ces documents de voyage, surtout pour ceux qui effectuent des voyages urgents. Nicole Nina Hazwe, les effectifs de cas testés positifs au COVID-19 ont aujourd'hui diminué dans la province sanitaire de Chibitoke. Contrairement aux deux dernières semaines, Jean-Claude Habiyaremye, médecin provincial de Chibitoke, indique que depuis que l'on a installé des sites de dépistage en 11 centres de santé de cette province, il y a eu une forte affluence de gens qui se font dépister. Selon lui, les cas positifs ont diminué suite aux séances de sensibilisation sur le respect des mesures barrières. Cette autorité sanitaire au niveau de Chibitoke invite la population à continuer de répondre massivement à la campagne de dépistage, rassurant que toute personne testée positive est admise au traitement pour éviter la propagation de cette pandémie. Pour ce, il demande aux gens testés positifs de prendre des médicaments à la maison pour ne pas contaminer les autres et appelle surtout au respect des mesures de prévention annoncées par le ministère de la Santé. À la page gouvernance, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olicom trouve que des irrégularités dans l'octroi des documents de voyage, les contrôles techniques et les permis de conduire sont dus à la mauvaise attribution des marchés publics. Le président de cette organisation, Gabriel Ruftili, regrette que le pays et la population sont déjà en train de perdre suite au non-octroi de ces documents. Suivez-le. L'Olicom a suivi depuis longtemps l'octroi des marchés publics. C'est une habitude qui est devenue comme normale. L'octroi des marchés publics en dehors des normes de transparence et de gouvernance parce que les services en charge de l'octroi de ces marchés attribuent ces marchés sans appel d'offres ouvert, voire au moins même au minimum la consultation restreinte sur base des critères objectifs. C'est pour cette raison que l'Olicom pense que les conséquences que nous sommes en train de subir remontent de l'octroi de ces marchés, de ces sociétés indiennes. Pour nous, c'est à cause de la corruption, des commissions qui ne sont pas légales, qui sont données en dehors des normes, parce qu'on ne peut pas vouloir violer la loi sans qu'il n'y ait pas un intérêt individuel. Ici, je parle de la société Global Contact qui a eu le marché de délivrance des passeports biométriques à un prix exorbitant. Deuxièmement, c'est le marché qui a été attribué à une société aussi indienne de délivrer les certificats de contrôle technique, mais aussi la société indienne qui ont par ailleurs, ces trois sociétés ont des liens. Donc pour nous, tous ces marchés n'ont pas suivi les procédures normales, habituelles, c'est-à-dire le lancement d'un avis d'appel d'offres pour que les sociétés les plus performantes puissent conclure et gagner honnêtement le marché, ce qui n'a pas été le cas malheureusement. C'est vraiment la corruption qui est derrière, là on ne peut pas nier cela. Quand on reçoit un marché comme ça, toujours les conséquences, c'est que ça finit par causer des problèmes. Il espère en outre que ces problèmes seront résolus vu l'engagement du chef de l'État Évariste Ndayishimiye. Suivez-le encore une fois. Aujourd'hui, il y a un grand problème au niveau de la PAF parce que c'est très difficile d'avoir des documents de voyage, mais l'Olicom avait adressé une correspondance au service habilité, y compris même le chef de l'État, burundais. Cette lettre a été écrite l'année passée, alertant les problèmes qui se posent au niveau de la PAF pour la société Global Contact. Jusqu'à aujourd'hui, vous savez que cette société, certes, est en train de travailler avec les services publics, mais ils ont décidé de rompre le contrat avec le personnel sans indemniser le personnel. Pour nous, nous pensons qu'il faut que le gouvernement d'abord suive cette question. En plus de la disponibilisation de ces documents de voyage, il faut que la question de ce personnel soit gérée par le gouvernement. L'État est là pour protéger tout le monde. Nous pensons qu'il va le faire. Et le président de la République est déjà au courant parce qu'on lui a adressé une correspondance sur cette question-là. Nous demandons à ce que les marchés soient attribués conformément aux normes des marchés publics, c'est-à-dire la gouvernance et la transparence, mais aussi il faut qu'il y ait des contrôles à tous les niveaux pour que les marchés publics ne soient pas attribués s'ils font de corruption. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Il est 13h08 au studio de la radio Isanganiro. Nous poursuivons ce journal avec la page infrastructure. Certaines routes nationales et provinciales sont en mauvais état, bien que des travaux d'entretien soient faits. Moteur de développement du pays pour les échanges internes et externes, le pays prévoit chaque année une enveloppe irrelative. Le ministère ayant les infrastructures dans ses attributions dit être à l'œuvre à travers l'agence routière du Burundi. Au studio, je suis avec Mireille Kanyangé pour plus de détails. Oui, Oda, ossature du système des transports burundais, le transport routier est vital pour l'économie du pays. Certaines des routes sont construites sur financement des organismes internationaux tels la Banque africaine de développement BAD, la Banque mondiale et la Banque arabe pour le développement, avec la participation du gouvernement burundais à travers impôts et taxes. Ces routes nationales et provinciales, une fois délabrées, sont réhabilitées, mais des points critiques sont remarqués suite au tonnage même des véhicules poids lourds, d'où des demandes de réhabilitation par la population sur certaines inquiétudes. De la population, le ministère ayant les infrastructures dans ses attributions tranquillise. Merci. Pour les routes qui datent de longtemps, qui ont été abîmées, qu'est-ce que nous avons prévu au niveau du ministère qui les études de faisabilité pour toutes les routes nationales d'abord, qui sont là, qui sont au niveau de la ARB. Donc, au fur et à mesure que nous allons trouver des fonds pour réhabilitation, ces routes-là seront réhabilitées par ordre de priorité. Sinon, les études de faisabilité sont déjà là pour toutes les routes nationales, y compris les plus anciennes. Le ministre burundais ayant les infrastructures dans ses attributions, de Gracias Nsanganyumwami, qui a, au cours du bilan des réalisations de son ministère, a annoncé une technique moderne de suivi des travaux de construction des routes. Suivez. Dans le passé, peut-être que les fonctionnaires et les dirigeants ne mettaient pas beaucoup d'efforts, ou peut-être même les institutions nationales. Mais à l'heure actuelle, l'agence routière du Burundi ARB, et aujourd'hui elle est bien équipée, il a suffisamment du personnel qualifié, il a même importé un logiciel pour pouvoir tester la durabilité de la chose. C'est-à-dire que toutes les infrastructures routières que nous construisons aujourd'hui et dans l'avenir, l'ARB est à mesure de contrôler la durabilité. Dans le passé, ce logiciel n'existait pas. Et pour les routes qui ont été abîmées avant le temps, et de façon précoce, nous sommes à l'étape de mener des études et pour pouvoir établir la responsabilité. Si la responsabilité tombe sur l'une ou l'autre partie, c'est cette partie-là qui doit réparer ces routes-là. S'il s'avère que le gouvernement prenne la responsabilité de réparer, le gouvernement va réparer. Mais si la responsabilité tombe sur l'une ou l'autre partie qui faisait partie de l'aménagement de la construction de ces routes, c'est cette entreprise-là ou son bureau d'études ou ses fonctionnaires dirigeants qui doivent répondre à ces imperfections. Et pour les routes qui datent de longtemps, qui ont été abîmées, qu'est-ce que nous avons prévu au niveau du ministère pour les études de faisabilité pour toutes les routes nationales d'abord, qui sont là, qui sont au niveau de la ARB. Donc, au fur et à mesure que nous allons trouver des fonds pour réhabilitation, ces routes-là seront réhabilitées par ordre de priorité. Sinon, les études de faisabilité sont déjà là pour toutes les routes nationales, y compris les plus anciennes. Et dans le souci de l'entretien des routes déjà construites, l'Office burundais des recettes OBR vient de collecter des redevances routières. Nous y reviendrons. Merci Mireille Kanyangé. Et la chronique santé de ce mardi, c'est sur le diabète gestationnel touchant les femmes enceintes. Le gynécologue Gabriel Nayhayo explique que l'une des causes est une alimentation augmentée allant jusqu'à causer le surpoids, avoir trop faim ou trop soif au moment où l'on boit ou mange suffisamment sont des symptômes de cette maladie, une anomalie en termes de volume de grossesse allant des symptômes constatés lors du diagnostic. Reportage d'Ornella Mucho. Le diabète gestationnel, appelé aussi diabète de grossesse, survient chez la femme enceinte vers la fin du deuxième trimestre. Le gynécologue Gabriel Nayhayo explique que cela peut être dû au placenta qui produit des hormones qui nuisent au travail de l'insuline, c'est-à-dire une hormone permettant de faire baisser le taux de sucre dans le sang. Il y a la première partie de la grossesse, où les hormones qui sont déversées dans le sang par le placenta sont de quantité minime, et la deuxième partie de la grossesse où on a des facteurs contraires qui augmentent le taux de sucre dans le sang, qui sont des hormones là aussi produites par le placenta, les corticoïdes, l'hormone placentaire lactogène, et une alimentation qui est augmentée, la mobilité qui est réduite, une prise de poids qui s'observe souvent chez ces patientes-là. Et donc l'ensemble font qu'il y a une hyperglycémie qui peut venir déséquilibrer un diabète qui était déjà là, ou bien faire apparaître un diabète qui n'était pas là. Les symptômes peuvent être similaires à ceux des autres diabètes, comme une faim ou soif excessive. Souvent, le diabète gestationnel évolue à très bas bruit. Il est découvert par le médecin à l'occasion d'un examen. Alors, le médecin le soupçonne lorsque il y a une prise de poids importante, lorsque le volume utérin est très important. Ça veut dire que la hauteur utérine va être très importante. Même la femme va dire, j'ai un utérus qui est trop grand, mon enfant doit être très grand, ou bien j'en ai deux. De toute façon, il y a une anomalie qui se voit en termes de volume de la grossesse. Et quand on fait une échographie, on va découvrir qu'il y a beaucoup de liquide dans la cavité utérine, que le bébé est trop gros. Là, on va chercher avec une énergie particulière le diabète gestationnel. Il y a même des cas où il est difficile à trouver, mais quand on cherche, eh bien, on le découvre. Les femmes enceintes qui ont un diabète préexistant à la grossesse ou une prédisposition héréditaire sont à risque de développer cette maladie. Les femmes les plus sujettes, ce sont les femmes qui ont un diabète préexistant à la grossesse. S'il est connu, on doit être attentif à veiller à ce que la grossesse ne vienne pas déséquilibrer le diabète. Donc on va augmenter les apports en insuline, observer beaucoup plus le régime alimentaire pour diminuer les apports en sucre et augmenter l'activité physique pour augmenter la consommation du sucre par le corps. Par contre, les femmes qui ont une prédisposition héréditaire, surtout pour le diabète de type 2, ou bien qui ont un surpoids ou même une obésité, elles sont très facilement sujettes à ce cancer, comme elles sont sujettes déjà au cancer de type 2. Le traitement, les complications et le mode de prévention contre le diabète gestationnel chez les femmes enceintes seront précisés dans notre prochaine chronique santé. Voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Un grand merci à vous qui l'avez suivi. Merci à l'équipe de la rédaction qui m'a permis de le réaliser. Odanda Ishimi était à la présentation. La mise en onde était assurée par Séraphine Hakizimana. Une bonne journée à vous et au revoir.